que je suis pas là ce soir. La police me cherche, le réveil est à 5h du mat. Deux potes et presque des frères, on décide de monter sur un plafond ensemble. On comptait même plus les galères, les ombres et les personnes qu'on a mis ensemble. Et le duo infernal, à butée d'arnaque et de la plus grave. Au quartier, le regard des envieux, je peux pas les compter sans mes deux mains. Mourir du bas dans la tête, le sourire au lèvre sous un maudit. Gros, en centre tu restes, on écoute les sons. Je suis pas là, je vais ce qu'il le drame. J'en fais qu'à ma tête, résultat, un poteau et d'œil. Ce soir, je suis pas là. Dites à mes proches que je suis pas là ce soir. La police me cherche, le réveil est à 5h du mat. On veut tous le paradis, mais comment l'atteindre sans mourir? Une chicha à l'heure du Maghreb. Que Dieu me pardonne si je t'aime se réjouir. Comment savoir qu'on était dans un bourbier? Dites à la mère de Karim que ce soir son fils ne va pas rentrer. On charbonne 7 jours sur 7, on mérite le double d'un salaire. J'ai quitté les cours des GO pour écrire mon histoire. Que les profs allaient niquer sa grand-mère, naturellement vulgaire. On se rend au danger, un Glock dans ta bouche pour rejoindre tous tes frères. Le sort on se remet en question sur un seul sourire. Je suis pas là, je vais ce qu'est le drame. J'en fais qu'à ma tête, résultat, un poteau et d'œil. Ce soir je suis pas là. Dites à mes proches que je suis pas là ce soir. La police me cherche, le réveil est à 5h du mat. Maman, ton fils est un brave, n'écoute pas les voisins. Ces bâtards attendront maman pour venir te dire que j'étais quelqu'un de bien. On enchaîne les plafonds, l'oseille rentre. Mon père se lève à 6h et moi je rentre. On est sur liste d'attente, on attend le passage de l'ange de la mort. Je grandis, je fais place à la maturité. Je délaisse le check et ses futilités. Papa, j'ai grandi, c'est fini les cartables, les hommes brûlent la décide. J'ai des comptes à rendre après la muerte. J'ai des soins à prendre avant qu'on vienne m'embarquer. Un qui meurt, un qui naît, un petit salaire, on se casse le dos et on va se faire. Ce soir je suis pas là, je vais ce qu'est le drame. J'en fais qu'à ma tête, résultat, un poteau et d'œil. Ce soir je suis pas là. Dites à mes proches que je suis pas là ce soir. La police me cherche, le réveil est à 5h du mat. Le réveil est à 5h du mat.